C'est quoi le rythme? parce que tu sais, c'est le truc que t'avais fait. Non, ce que tu faisais avant. Ce que tu faisais que j'arrivais pas à faire. Tu sais ce que tu faisais là. Genre, tu passais des cases. Ouais, ah oui, ça là. Ouais. Et le son va, hey, un silence. même truc en boucle. Ça s'accélère. Et le sage, Jean, et le son pied, et le son bras, et le sa main, et le son doigt, et un silence, Jean petit. Waouh! Jean petit qui lance, Jean petit qui lance, son épaule il danse, son épaule il lance, son épaule, épaule, et le sa veste, veste, et le son ventre, et le sa Jean, et le son pied, et le son bras, et le sa main, et le son doigt, et un silence, Jean petit. Thank you. C'est pas bien que moi, c'est tellement en dehors. Est-ce qu'on va se prendre un énorme larcin? Pour baisser. Thank you. c'est pretty. Pretty.